On va parler du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, en fin de semaine, en passant, je voulais féliciter l'organisation de la Ligue JMS avec son nouveau président Pierre Gay. Changement de site internet, puis je peux-tu te dire que ça fait du bien? Le facing... Ça fait 3, 4, 5 ans que c'est le même signe, donc c'est le même signe, c'est la même page, donc ils vont juste actualiser d'après moi. Ça. Donc c'est bravo. Fait que ça fait longtemps que je l'avais dit à Pierre Gay, je vais essayer d'y parler d'ailleurs dans les prochaines semaines. J'ai dit, il va falloir que vous mettez à jour dans les médias sociaux. Il n'y avait même pas de page Facebook, je suis l'air de Martial Maltais. Je ne vais pas critiquer M. Maltais, mais. Ouais, non. À quelque part, là, c'est, tu sais, faut arriver en 2017, là. Petit commentaire positif de même. En passant, en fin de semaine, défaite de 2-1 contre les Orioles de Jonquière? Ouais, en tour de barrage vendredi soir. Les Orioles, ils ont une très, très bonne équipe, là, selon moi, la meilleure équipe, là, de la Ligue avec nous, là. Ça joue au hockey, un petit péché, là, vendredi soir à Saint-Félicien. On a eu tout un match de hockey. C'est soldé, là, en tir de barrage, là, au 5e ou 7e tireur. OK. Donc, quand ça va en prolongation comme ça, ça peut aller autant d'un bord comme de l'autre, là? Moi, en plein ça, là, c'est ça, en tir de barrage, là. Tandis là, c'était à un tir gagné la rencontre. Mais tu dis ça, tu dis les Orioles, mais les ambassadeurs, je peux gagner, moi aussi, sont pas loin. T'as trois équipes vraiment compétitives. Ouais. Ben, moi, en tout cas, je l'ai vu à la date, là. On s'en a pogné Chicago une fois, puis les Orioles trois fois. Puis ce que j'ai vu des Orioles, là, ils ont une grosse défensive, des bons attaquants, des bons gardiens de but. C'est pas facile de jouer contre eux, là. Non. OK. Et le lendemain, vous étiez à Chicoutimi, c'était une victoire de 4-3, un autre match serré, par exemple. Un autre match serré, mais on a joué juste une période là, samedi soir contre les Saguenay. Après une période, on venait 3-1, puis on s'est assis un petit peu là sur ça. Puis les Saguenay sont revenus de l'arrière. Jusqu'à la fin de troisième, là, on a scoré, on était en désavantage numérique. Je pense que c'était moins de 4 minutes à faire là au match. Okay. Pour nous donner la victoire. OK. En fin de semaine, parce que là, j'aurais aimé ça marquer les scoreurs, mais dire les marqueurs, mais il s'est pas affiché. En fin de semaine, contre les Aiglons d'Alma. Et on avait un autre match. Ouais, OK, oui. Ouais, on avait un autre match. On rejouait contre les Orioles dimanche à Jonquière. OK. Et encore une fois, ça a été tout un match de hockey qui s'est soldé encore en tir de barrage 3-2 là, pour nous autres. OK. Pour le Marcos Pop. OK. Donc, 3-2. Trois matchs en trois jours, ça doit pas être facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est sûr que dimanche, là, la langue était pas mal à terre, là. C'est la première fois qu'on fait ça aussi de la saison. Okay. Donc, trois matchs en trois jours. Mais on a réussi là à aller chercher 6 points sur une possibilité de 9 là, au courant de la fin de semaine. OK. Donc, t'as-tu bien des joueurs affiliés, ce qu'on appelle des PA? T'as-tu bien de ça dans ton équipe? Oui. Oui, j'en ai un par position là, qui vient de okay. temps en temps. Puis ça, comme dimanche, j'en avais un à défense et l'attaque là, qui était là. OK, donc parce que 3-3 matchs, là, tu dois à quelque part, ça te prend ça quasiment. Là. Ben, c'est parce que là, c'était plus les j'ai eu une suspension samedi soir, fait que samedi, dimanche, je ne pouvais pas jouer, donc ça me prenait des joueurs affiliés là, pour dimanche. OK. En fin de semaine, les Aiglons d'Alma. Oui. Les Aiglons d'Alma qui ont une équipe quand même intéressante avec Marc-Alexandre Gaudreau également, Émile Duchesne également, Mathieu Richard, donc c'est aussi Philippe Dufour, une bonne attaque. Oui, il y a une bonne attaque. Défensivement, c'est peut-être un petit peu plus dur là, dans leur cas, mais il y a une très belle équipe là. Ça sera pas facile encore en fin de semaine. On pogne les Aiglons et les Ambassadeurs dimanche okay. à la maison. Donc, on a encore deux très bons tests de hockey là, en fin de semaine. OK. Dis-moi, si on parlait maintenant des tournois, donc vous en faites un avant les fêtes, je pense, hein? Non, on en fait pas avant les fêtes. Là, les trois sont après les fêtes. On fait okay. Drummondville. Après ça, on fait celui d'Alma. Et ouais. ensuite, on va à Dolbeau, là, au Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, effectivement. On s'en reparle, Jason, la semaine prochaine? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la chronique des sabres de Robert Val avec Jason Lajeunesse.